Chapitre 24. Le Mardi Gras, cette année-là, fut très gai, ce qui veut dire que le Mont-de-Piété et les bals publics firent des affaires. Quand, vers minuit, le coq quitta l'hôtel de Marienbourg, les rues étaient bruyantes et peuplées comme en plein midi, et les cafés regorgeaient de consommateurs. Mais le jeune policier n'avait pas le cœur à la joie. Il se mêlait à la foule sans la voir, et fendait les groupes sans entendre les imprécations que soulevait sa brusquerie. Où allait-il? Il l'ignorait. Il marchait droit devant lui, sans but, au hasard, plus éperdu que le joueur dont le dernier louis perdu a emporté la dernière espérance. « Il faut se rendre, murmurait-il. L'évidence éclate. Mes présomptions n'étaient que chimères. Mes déductions, jeux de hasard. Il ne me reste plus qu'à me retirer avec le moins de dommages et de ridicules possibles de ce mauvais pas. » Il venait d'atteindre le boulevard quand une idée jaillit de sa cervelle, si éblouissante qu'il ne put retenir un cri. « Je ne suis qu'un sot !» Et il se frappait le front à le briser. « Est-il possible, poursuivait-il, que moi, si fort en théorie, je devienne d'une si pitoyable faiblesse dès que je passe à la pratique ? Ah, je ne suis qu'un enfant encore, un conscrit, car rien surprend et jette hors du bon chemin. Je me trouble, la tête me tourne, et je perds jusqu'à la faculté de raisonner. Or, réfléchissons froidement. Comment avais-je tout d'abord jugé ce prévenu dont le système nous tient en échec? Je m'étais dit, celui-là est un homme d'un génie supérieur, d'une expérience et d'une pénétration consommée, audacieux, d'un sang-froid à toute épreuve, et qui tentera l'impossible pour assurer le succès de sa comédie. Oui, voilà ce que je disais. Et à la première circonstance que je ne m'explique pas, là, sur le champ, je jette le manche après la cognée. Il tombe sous le sens, pourtant, qu'un homme d'une prodigieuse habileté ne saurait avoir recours à des manœuvres vulgaires. Devais-je espérer qu'il coudrait ses malices de fil blanc? Allons donc. Plus les apparences sont contre mes présomptions et en faveur de la version du détenu, plus il est sûr que j'ai raison. Où la logique n'est plus la logique. Le jeune policier éclata de rire et ajouta. Seulement, exposer cette théorie à la préfecture devant Montgévrol serait peut-être prématuré et me vaudrait un certificat pour Charenton. Il s'interrompit, il était devant sa maison. Il sonna, on ouvrit. Il avait lestement grimpé ses quatre étages et il arrivait à son palier quand une voix dans l'obscurité l'appela. « Est-ce vous, monsieur Lecoq ? » « Moi-même, répondit le jeune agent, un peu surpris. « Mais vous ? » « Je suis le père Absinthe. »« Ma foi, soyez le bienvenu. Je ne connaissais pas votre voix. Donnez-vous la peine d'entrer chez moi. » Ils entrèrent et Lecoq alluma une bougie. Alors le jeune policier put voir son vieux collègue. Et en quel état, bon Dieu ! Plus sale il était et plus crotté qu'un barbet qui a été perdu pendant 3 jours de pluie. Sa redingote portait des traces de 20 murailles essuyées, son chapeau n'avait plus aucune forme. Ses yeux étaient troubles et sa moustache pendait pitoyablement. Il mâchonnait à vide, comme s'il eût eu du sable plein la bouche. Par moments, il essayait de cracher. Il faisait le geste, l'effort, mais rien ne sortait. « Vous m'apportez de mauvaises nouvelles ?» demanda Lecoq après un court examen. « Mauvaises. Les gens que vous filiez vous ont glissé entre les doigts. » Le vieux eut un mouvement de tête affirmatif de haut en bas. « C'est un malheur, » prononça le jeune policier, flairant quelques mésaventures. « C'est un très grand malheur. Cependant, il ne faut pas vous désoler outre mesure. Voyons, papa, relevez la tête, morbleu. À nous deux, demain, nous réparerons cela. » Cet amical encouragement redoubla le très visible embarras du bonhomme. Il rougit, ce vieil homme de la police, comme un pensionnaire, et montrant le poing au plafond, il s'écria. « Ah, gredin, je te l'avais bien dit !»« Hein ?» fit Lecoq. « En qui en avez-vous » Le père Absinthe ne répondit pas, il se plaça bien en face de la glace et se mit à accabler son reflet des plus cruelles injures. « Vieux propre à rien » disait-il. « Vilain soldat, n'as-tu pas honte ? Tu avais une consigne, n'est-ce pas? Qu'en as-tu fait? Tu l'as bu, malpropre, comme un vieil ivrogne que tu es. Va, cela ne se passera pas ainsi, et quand même monsieur Lecoq te pardonnerait, tu seras privé de goutte 8 jours. Tu bisqueras, ce sera bien fait. Voilà justement ce qu'avait pressenti le jeune policier. Allons, dit-il au bonhomme, vous vous sermonnerez plus tard. Contez-moi vite votre histoire. Oh, je n'en suis pas fier, je vous prie de le croire. Mais n'importe. Donc, on vous a remis une lettre où je vous disais que j'allais filer les jeunes gens qui avaient reconnu Gustave. Oui, oui, passez. Pour lors, une fois dans le café où je les ai suivis, voilà mes garçons qui se mettent à boire du vermouth à plein verre, sans doute afin de chasser l'émotion. Après avoir bu, la faim les prend et ils demandent à déjeuner. Moi, dans mon coin, je fais comme eux. Le repas, le café, le pousse-café, la bière, tout cela exige du temps. À 2 heures, cependant, ils se décident à payer et à sortir. Bon, je pensais qu'ils rentraient chez eux. Pas du tout. Ils gagnent la rue Dauphine et je les vois ouvrir la porte d'un estaminet. Je m'y glisse 5 minutes après eux. Ils étaient déjà en train de jouer au billard. Ils toussaient. C'est que le difficile à dire arrivait. Je me mets à une petite table, poursuivit-il, et je demande un journal. Je ne le lisais que d'un œil, quand tout à coup entre un bon bourgeois qui se place près de moi. Sitôt assis, il me demande le journal quand j'aurai fini. Je lui passe et nous voilà à parler de la pluie et du beau temps. Bref, de fil en aiguille, ce bourgeois finit par me proposer une partie de bésigue en 1500. Je refuse le bésigue, mais j'accepte 100 de piqué. Les jeunes gens, vous m'entendez, choquaient toujours l'ivoire. On nous apporte un tapis et nous voilà à jouer de petits verres de fine. Je gagne. Le bourgeois me demande sa revanche et nous jouons 2 bocs. Je regagne. Il s'entête, nous nous mettons à jouer des petits verres. Et toujours je gagnais, et toujours je buvais, et plus je buvais. Allez, allez, et ensuite? Et voilà le hic. Ensuite, je ne me souviens plus de rien, ni du bourgeois, ni des jeunes gens. Il me semble cependant me rappeler que je m'étais endormie dans le café et que le garçon est venu me réveiller et me prier de me retirer. Alors j'ai dû vaguer sur les quais, jusqu'au moment où, les idées m'étant revenues, je me suis décidé à venir vous attendre dans votre escalier. À la grande surprise du père Absinthe, Lecoq semblait encore plus préoccupé que mécontent. « Que pensez-vous de ce bourgeois, papa ? » interrogea-t-il. « Je pense qu'il me suivait pendant que je filais les autres, et qu'il n'est entré au café que pour me griser. Donnez-moi son signalement. C'est un grand bonhomme, assez gros, avec une large figure rouge et un nez très camard, l'air bonasse. « C'est lui ! » s'écria Lecoq. « Lui qui ? Le complice, l'homme dont nous avons relevé les empreintes, le faux ivrogne, un diable incarné qui nous mettra tous dedans si nous n'ouvrons pas l'œil. Ne l'oubliez pas, papa, et si jamais vous le rencontrez... » Mais la confession du père Absinthe n'était pas finie, et comme les dévotes, il avait gardé le plus gros péché pour la fin. « C'est que ce n'est pas tout, reprit-il, et je veux ne vous rien cacher. Il me semble bien que ce traître m'a parlé du meurtre de la poivrière et que je lui ai raconté tout ce que nous avons découvert et tout ce que vous comptez faire. » Lecoq eut un si terrible geste que le vieux recula épouvanté. « Malheureux ! S'écria-t-il. « Livrez notre plan à l'ennemi !» Mais il reprit vite son calme. D'abord, le mal était sans remède. Puis, il avait encore un bon côté. Il levait tous les doutes qu'eût pu laisser l'affaire de l'hôtel de Marienbourg. « Mais ce n'est pas le moment de réfléchir, » reprit le jeune policier. « Je suis écrasé de fatigue. Prenez un matelas au lit pour vous, l'ancien, et couchons-nous.